بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ففضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين رجالا ونساء عظيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فالمؤمن والمؤمنة يدوب غكونت هذه النعمة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى لزا كخي أبارتغ دوغيا أن الله سبحانه وتعالى رزقهم إلا غدوني كثيرا أعظم ما رزقهم ما أعطاهم عز وجل هذا الدين الإيمان الإسلام فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد الله لا انجست انفير بيرسون عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون الله لا انجست انفير بيرسون جل وعلا ولكن الناس أنفسهم يظلمون أما les gens ils sont injustes envers eux-mêmes ils sont injustes entre eux فدين الإسلام c'est دين العدل ودين الرحمة ودين الحقوق notre religion الإسلام c'est la religion du عدل de la justice de الرحمة كذلك دين الحقوق chacun il a ses droits. L'homme il a des droits, la femme elle a des droits, l'enfant il a des droits, bel hatta al-hayawanat, hatta les animaux. On n'a pas le droit d'être injuste envers eux, on n'a pas le droit de leur imposer une charge au-dessus de leur capacité, aller dans le transport ou autre. Tout ça, ça montre que هذا الدين, c'est une rahma pour les ibad. كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé هذا الرسول une rahma pour tout le monde. للعالمين. لكن أكثر الناس لا يشكرون. وتأمل حال المرأة قبل الإسلام. أي في الجاهلية. L'état de la femme قبل الإسلام. في الجاهلية. فمن علم هذا celui qui a pris connaissance de هذا et son état avant l'islam في الجاهلية لا شك أن يسرى أن هذا الدين رفع شأن المرأة وقدرها أي ce دين في الحقيقة il a élevé la femme il lui a donné des حقوق كذلك des devoirs قال الله سبحانه وتعالى أي في بيان حال المشركين أظن الإسلام في الجاهلية قال سبحانه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم quand on annonçait à un de هؤلاء من المشركين أن sa femme a accouché d'une fille وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا son visage عيادا بالله يدفن النوار يتغير لماذا لأن pour ce مشرك à l'époque c'était une honte عار فضيحة أي d'avoir une fille هذه البنت المسكينة elle vient de naître et elle est rejetée لماذا الكفر عدم الرحمة القسوة قال جل وعلا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يتوارى من القوم أي il s'écarte des gens il n'ose pas se mélanger aux gens après avoir reçu cette nouvelle أنه il a eu une fille لماذا قال عز وجل يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب أي من شدة الحزن أي سوبر tellement qu'il ne voulait pas avoir une fille, yatawara min al-qawm, il évite les gens. Limada qala azza wa jalla min su'i ma bushira bih. Fa fil haqiqa c'est une ni'ma azima d'avoir un enfant, que ce soit un garçon ou une fille. Lakin haula, à leur époque, ça les dérangeait jiddan. Hatta la première pensée qu'il avait ba'd hada, quand on lui a annoncé annahu il a eu une fille, qala azza wa jalla ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fi at-turab. Est-ce qu'il va la garder à la houn, à la dhul? Il va garder cette fille et il patientera. Les ma'adha, les anna, c'est une honte. Ayyadun billah. Am, yadussuhu fi at-turab. Am, l'autre solution, il l'enterre. Ayyadun billah, vivante. Hakada, il faisait aux filles à l'époque de Al-Jahiliyya. Qala azza wa jal, ala sa'a ma yahkumun. C'est très très grave, hada. فلهذا جاء في الآية الأخرى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت يوم القيامة quand on demandera, quand Allah سبحانه وتعالى il interrogera cette fille, لماذا elle a été tuée. الموؤودة c'est celle qui est enterrée vivante. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه عند تفسير هذه الآية الآية ثم يعمل فكره ورأيه الفاسد فيما يصنع بتلك البنت التي بشر بها. أي هذا المشرك, هذا المجرم, après avoir reçu cette annonce أنه il a une fille, il réfléchit. أي يمسكه على هون, أي يتركها من غير قتل على إهانة. أي il la tue pas, il l'enterre pas vivante, il la garde, لكن pour lui ça sera une إهانة, une honte, une فضيحة. قال أم يدسه في التراب, أي يدفنها وهي حية, وهو الوأد الذي ذم الله به المشركين. En arabe ça s'appelle الوأد, أي enterrer, عيادا بالله, un enfant vivant. والله سبحانه وتعالى ذمهم في كتابه العظيم. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فظلم وقسوة قلب, عيادا بالله, عدم رحمة. فتصور أخي الكريم أن cette petite fille أنها ما ظلمت أحد, elle a fait aucun mal, et à cause de هذا الأب المجرم il l'enterre vivante. هكذا كان حال المرأة في الجاهلية. À sa naissance ظلم وإهانة. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في رسالته النافعة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات, وإذا سلمت من الوأد وعاشت فإنها تعيش عيشة المهانة. Si elle n'était pas enterrée vivante, هذه البنت, juste après sa naissance, فتعيش, لكن عيشة المهانة, إهانة, غبسمو, ظلم, aucune place, aucun قدر pour هذه المرأة. قال حفظه الله فليس لها حظ من ميراث قريبها مهما كثرت أمواله ومهما عانت من الفقر والحاجة. حتى الميراث أي l'héritage, elle avait aucune part, c'était tout pour les garçons. Même si son père il a délaissé أموال كثيرة, même si elle, elle était في أمس الحاجة, elle avait besoin de شيء من هذا المال, il lui donnait rien. ظلم. قال حفظه الله لأنهم يخصون الميراث بالرجال دون النساء. Pourquoi? لأن à leur époque الميراث, أي l'héritage, c'était réservé que pour les hommes. بل بعضهم, ils ont été plus loin, أن si un homme à leur époque il mourait, أي من المشركين, حتى sa femme elle était héritée avec ses biens. S'il avait laissé tant de biens, ses biens ils étaient partagés. Wa hakada sa femme yadam billah. Thumma rahimallahu subhanahu wa ta'ala 'ibadahu bi din al-islam, din al-'adl wa al-huquq. Cette période, ay al-jahiliya, Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال عز وجل قد جاءكم من الله نور wa kitabun mubin. Nour min Allah, la lumière. Kitab mubin, al-Qur'an al-Karim. Wa rafa Allah subhanahu wa ta'ala qadr hadhihi al-mar'a al-madlouma. Si tu prends l'exemple de l'héritage, Allah subhanahu wa ta'ala qal lirrijali nasibun mimma taraka al-walidani wal-aqrabun. Al-rijal, ils ont une part, les hommes. Ils ont une part si son père, il laisse shay min al-mal après sa mort, fa al-rijal, ils ont un nasib, une part. قال عز وجل وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. Et كذلك les femmes elles ont une part. مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Que ça soit beaucoup ou peu, Allah subhanahu wa ta'ala à chacun il a donné une part. عدل. في الإسلام المرأة معززة مكرمة وهي بنت. À la naissance, ولله الحمد, cette femme elle a déjà un rang, une place. قال صلى الله عليه وسلم من عالى جاريتي حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه عليه الصلاة والسلام. Celui qui a deux filles, جاريتين, et il s'en occupe, hatta tabloura, jusqu'à ce que ces deux filles, elles grandissent, jaa yawm al-qiyama, il en prend soin, fa yawm al-qiyama, il sera avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hakada. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un signe, il a rassemblé avec ses doigts. Et il sera proche du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Al-hadith, il est fait sahih muslim. C'est une énorme récompense. Pour qui? Pour celui qui prend soin de cette fille, pour celui qui s'occupe de cette fille, cette future femme. Ah, ça montre que l'islam il a réservé une place azime pour cette femme. Dès sa naissance, dès son plus jeune âge, son père il doit s'en occuper. Son père il doit la protéger bi-idhnillahi azza wa jalla. Son père il doit l'éduquer bi-qadri ma yastati'. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته أي من غناء كن له حجابا من النار يوم القيامة. الحديث رواه الإمام ابن ماجه وصححه الإمام الألباني عليهم رحمة الله. من كان له ثلاث بنات. Celui qui a trois filles, Allah subhanahu wa ta'ala رزقه ثلاث بنات. Trois filles. فصبر عليهن, il a patienté. أي من حيث l'éducation والنفقة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأطعمهن وسقاهن. Il a fait des efforts pour leur donner une éducation correcte, pour les nourrir, pour les vêtir. قال صلى الله عليه وسلم كن له حجابا من النار. Ses filles, ça sera un hijab entre lui et Nar, yawm al-qiyama. Et c'est une cause pour qu'il soit préservé du châtiment. Bi fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Hada, ça montre anna hada din. Au départ, il donne de l'importance à cette femme. Enfin, le père, il doit faire des efforts pour l'éduquer, il doit faire des efforts pour la préserver, la protéger, lui apprendre, la vêtir, la nourrir. Wa kadhalik. أكرم الإسلام هذه المرأة وهي زوجة. أي si elle se marie plus tard, فالإسلام أكرمها en tant que femme. L'islam il l'a élevée en tant que femme. Vous avez vu la différence l'un entre حال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم il a ordonné de prendre soin des filles, de les éduquer, de faire des efforts pour les nourrir, les vêtir. Il a آخره et حال المشركين. Pour eux, cette fille, c'était un ar. Et certains, ils s'en séparaient en l'enterrant vivante, ayyadam billah. Al-Islam, al-Mar'a, il lui a donné son haq et il l'a élevé, wahiya zawja, en tant que femme, quand elle se marie plus tard. Qala Allahu ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Et avec un bon comportement. L'homme qui se marie lui donne son haq à cette femme. est patient sur elle et il lui apprend si elle est ignorante. كذلك يجب عليه النفقة. Il est obligé de faire des efforts pour prendre soin d'elle niveau nourriture, niveau vêtements. كذلك un سكن, une maison. Tout ça c'est à l'azoul pour préserver cette femme. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui sera le meilleur avec sa femme. Ça montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un qadr à cette femme et il a encouragé cet homme à avoir un bon comportement avec cette femme. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré que le meilleur des hommes, c'est celui qui est le meilleur avec sa femme. Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était le meilleur avec ses femmes. Wa ana khayrukum li ahli. Amma hadhihi al-mar'a, si ça devient une mère et elle a des enfants, فَلَهَا حُقُوق عَظِيمَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné beaucoup de droits. قال الله جل وعلا وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانَ. Ça englobe le père et la mère. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à chacun de nous d'avoir de l'ihsan avec ses parents. بل Allah subhanahu wa ta'ala, dans d'autres versets, il a cité son haq, أي العبادة التوحيد, et il a cité avec le haq des parents. Wa qada rabbuka alla ta'buda illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à chacun de l'adorer azza wa jall sans associer, et kadhalik al ihsan, avec les parents. Et là chacun, hada ça englobe la mère. Bal la mère a un haq plus grand que celui du père. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي. Un homme est venu voir le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم et lui a demandé من أحق الناس بصحابتي, et c'est qui parmi les gens qui mérite le plus sahabati. Ça vient de sohba, et que je l'accompagne, que je prends soin de lui. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك, ta mère. فقال الرجل ثم من. Cet homme, il voulait savoir après la mère, من, et qui. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمك. Ça c'est un توكيد من النبي صلى الله عليه وسلم. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répété une deuxième fois pour montrer le rang de la mère, la place de cette femme fait l'islam. Thumma qala ar-rajul thumma man. Et il a posé la question une troisième fois, et après fa qala sallallahu alayhi wa sallam thumma ummuk. La troisième fois il lui a encore répondu ta mère. Thumma qala ar-rajul thumma man fa qala sallallahu alayhi wa sallam thumma abuk. La quatrième fois, Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a cité le père. La shak anna al-islam akrama hadhihi al-mar'a. Fayajib alayna jami'an shukr hadhihi al-ni'ma. Wal mar'a yajib alayha an ta'lam anna khayra ad-dunya wal akhira ila fi tatbiq hadha ad-din. Cette femme que Allah subhanahu wa ta'ala il a élevée en tant que fille, en tant que jeune fille, en tant que femme, en tant que mère, en tant que épouse, yajib alayha shukra hadhihi an-ni'ma. Fa elle est mukarrama, mu'azzaza en tant que fille. Wa taqaddam ma'ana al-adilla. Et kadhalik quand elle grandit, son père il prend soin d'elle, ses frères ils prennent soin d'elle. Fa yukrimunaha, avec des vêtements, avec de la nourriture, avec des cadeaux. Tout ça, c'est une ni'ma. Et c'est wajib alayhim. C'est obligatoire pour eux de prendre soin de cette fille. Kadhalik, mukarrama mu'azzaza inda zawjiha. Son mari doit travailler, doit faire des efforts pour prendre soin d'elle. Wahiya, elle prend soin de son mari, de sa maison, si elle a des enfants, il a akhiré. Kadhalik, en tant que mère, cette mère, si elle a des enfants plus tard, garçon ou fille, ses enfants, ils vont prendre soin d'elle. Il lui offre des cadeaux, il l'accompagne, il l'aide, il lui tient compagnie. Amma hal al-kuffar fi hada al-bab fa hadith wa la haraj. Al-kuffar, c'est ashadd an-nas tanaqudan. C'est les personnes qui se contredisent le plus. Daiman, ils appellent au droit de la femme, al-huquq wa tahrir al-mar'a, il faut libérer cette femme. Al-hurriya wa al-musawa, l'égalité, la liberté. Hadi ad-da'wa ma'roufa. Wa fi al-haqiqa hadhihi ad-da'wa, c'est pour combattre la femme musulmane. Et si ils combattent la femme musulmane, ils combattent les musulmans, ajma'in. Limadha li'anna al-mar'a al-muslima, c'est une madrasa pour l'umma. C'est elle qui éduque les enfants. C'est elle la première école. L'enfant yata'allam 'indaha awwalan. Fa idha fasadat fasada al-mujtama', fa li hadha الكفرة أخزاهم الله دائما إذا أتاك الإسلام en attaquant la femme. وحالهم في هذا, pourquoi on a dit que c'est les personnes qui se contredisent le plus, لأن حالهم في هذا, ils se contredisent, ils appellent au droit de la femme. وكم من الناس وكم منهم, ils battent leur femme. كم منهم عياذا بالله, ils font du mal à leur propre fille. Comme minhum, quand leur mère, elle grandit, فَرُبَّمَا لَا يُبَالُونَ بِهَا. كَثِيرٌ مِنْهُمْ, ils se marient, ils font leur vie et ils délaissent leur mère. Imma chez elle, imma à la maison de retraite, et رُبَّمَا يَزُورُونَهَا مَرَّةً فِي الْعَامِ, si ils lui rendent visite. هَؤُلَا فِي الْحَقِقَةِ, ils n'ont pas de leçon à donner aux musulmans. لَكِنْ لِلْأَسَفِ الشَّدِيدِ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ, ils se sont écartés de leur dîn, وتأثروا بهذا الفكر. وبعض المسلمين, au lieu de reconnaître cette ni'ma azima, on a cité quelques preuves, et au lieu d'être fier de leur din et d'enseigner هذا الدين à leurs femmes, à leurs filles, وبعض هؤلاء تأثروا بهذا الفكر, et ils pensent que l'islam il rabaisse la femme, iyadan billah. Ils pensent que l'islam ça contredit at-taqaddum. Hey, celui qui s'accroche au principe de l'islam, il ne va pas avancer. Bel, ça va être un arriéré. Iyadan billah. Qala al-allama al-shaykh Salih al-Fawzan, hafidhahu Allah, inna a'da' al-islam, bel a'da' al-insaniya al-yawm min al-kuffar wal-munafiqin wal-ladhina fi qulubihim marad, ghadahum ma nalathu al-mar'atu al-muslima min karamatin wa'izzatin wa-siyanatin fi al-islam. حسد وحقد. هذا الخير كل مسلمة الفي خاصة الصالحة ألا معززة كما قلنا في بيتها شيزل ولله الحمد ألا بخزغفي المن في طيبة avec ses enfants, avec son mari, avec ses parents si elle n'est pas mariée. فالكفار لا تظن أنهم tout ce qu'ils font الآن cet appel, هذا الحرب الواسع contre la femme, c'est pour libérer la femme. أبدا والله c'est من باب الحقد والحسد, لأنهم كثير منهم خاصة رؤساؤهم, ils savent très bien le bien que cette femme musulmane elle vit. وهذا الأمن وهذا الخير, لهذا إلا combat. والله سبحانه وتعالى أخبر عن هذا في كتابه العظيم, قال عز وجل, ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. كلام رب العالمين, c'est pas mon كلام à moi ou le كلام d'un autre, لأن بعض المسلمين ils sont في غفلة بعيدة et ils ont un حسن الظن واسع envers le كافر المجرم. بعض المسلمين يعيشون في غفلة كأنهم ليسوا أعداءهم, حتى quand ils entendent مثل هذا الكلام أن الكفرة اللي كومبات أنهم يبغون du mal pour leurs femmes, pour leurs enfants, pour eux-mêmes, بعضهم كأن هذا الكلام pour eux il est بعيد, c'est de l'exagération. تأمل في كلام ربنا سبحانه وتعالى, ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين, que ce soit أهل الكتاب اليهود النصارى أو المشركون أي les autres كفرة. فهؤلاء قال عز وجل ما يود المودة سيمي. فهؤلاء ils aiment pas. Pour qui? Pour le musulman. أن ينزل عليكم أي على المسلمين من خير من ربكم. Ils sont attristés quand un bien il nous touche. Ils envient le musulman quand le musulman il vit في راحة وفي خير. Il l'envie et il le combat à cause de هذا. فلا تكون في غفلة أخي الكريم ولا تكون في غفلة أيتها المسلمة. المسلم qui vit et il est غافل et il pense qu'il n'a pas d'ennemi, que personne l'envie et il fait confiance à tout le monde et il veut rapprocher à tout le monde, ça devient une victime, une proie pour هؤلاء. قال الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Ils acceptent pas qu'un bien il nous touche et كذلك ils seront pas satisfaits tant qu'on les suivra pas. Est-ce que ce combat contre المرأة المسلمة et cet appel à la liberté, au droit, à l'égalité, est-ce que c'est pour ton bien? أيتها المسلمة أبدا. والله ça serait un bien, ils auraient pas, ils l'auraient pas donné aux muslimates أبدا. لكن vu qu'ils veulent le répondre de force, ça montre que c'est pour leur intérêt et c'est contre nous. On doit faire attention à cette ghafla, à hadha al-jahl et à ne pas s'accrocher à nos principes et vouloir imiter haoula. Haoula, qu'est-ce qu'ils ont fait l'an ma'al misa? La femme, indahum, c'est devenu un objet. Iyadun billah, hatta ba'duhum, ils font le fahisha avec leurs proches. Et ba'duhum, yutajirouna fil mar'ah. Ka'annaha, c'est un objet. Et ils se servent d'elle, ka'annaha, c'est un objet. Que ce soit dans les médias, que ce soit dans les films, que ce soit que pour l'argent. Et hadhihi al mar'ah al miskina al dha'ifa, c'est une victime. Ha anti ayyatuha al muslima, Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné hada din. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a élevé bi sunnat nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anti ayyatuha al muslima, tu as des exemples, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma kafira, Allah subhanahu wa ta'ala yubghidha. Elle n'a aucun sharaf, aucun qadr. Ça ne peut pas et ça ne doit pas être un exemple pour les musulmans. Et للأسف الشديد, كثير من المسلمات الآن, elles ressemblent aux kafirat. Que ça soit dans la pensée ou en apparence. Et dans la pensée, c'est plus grave. قال الشيخ الفوزان لأن أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين يريدون أن تكون المرأة آدة تدمير وجبالة يصطادون بها ضعاف الإيمان وأصحاب الغرائز الجانحة بعد أن يشبعوا منها شهواتهم المسعورة. C'est ça le but de هؤلاء. نصيحة من إمام, conseil d'un savant de l'Ummah, de la Sunna, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Il démontre à l'Islam, leur but c'est quoi? C'est de se servir de cette femme pour faire du mal. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé que hadil mar'a, c'est une fitna. Bal akhbara annahu, il n'a pas délaissé une fitna ashad ala rijal min al-nisa. La fitna la plus dangereuse pour l'homme, c'est la femme. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré كذلك, la première fitna qui a touché Bani Israël, al-Yahoud wa al-Nasara, c'est par la femme. Nous, on va prendre le conseil de qui? De notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou des ennemis de l'islam? Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a démontré comment préserver hadil mar'a. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a démontré comment nous écarter de cette fitna, que la femme ça soit pas une fitna pour l'homme et l'homme ça soit pas une fitna pour la femme. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يصطادون بها ضعاف الإيمان وأصحاب الغرائز الجانحة بعد أن يشبع نعم منها شهواتهم المسعورة. Ils se servent de sa femme et كذلك الخبثاء هم ils en profitent. Pourquoi هذا الحجاب dérange tant الكفرة؟ مع أنهم يزعبل على الليبرتي ليل نهار le hijab ne dérange rien. Dans beaucoup de pays, la femme elle porte le hijab et ya, ça ne fait aucun mal. Et حتى هم ils le savent, ça ne gêne rien le hijab. Et en fait, normalement, leur liberté, la femme elle doit pouvoir porter le hijab. Mais pourquoi ça les dérange tant? Le hijab, c'est un signe عظيم أن cette femme elle s'accroche à son dieu. وهم يدتستد دي. كذلك أن هذا الحجاب سان أبستكل أنتخ أو إلخ شهوة. لأن هذا الكافر المجرم أو من تأثر بعقيدة الكفار يفل عيادا بالله pouvoir profiter de cette femme ولو بالنظر. فلهذا quand il voit une مسلمة qui est pudique, qui se couvre, qui se mélange pas aux hommes, ils se moquent, ils l'accusent, et Allah, s'ils peuvent la frapper au plus loin, ils le feront. قال الله عز وجل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تأمل ce verset. Ça c'est كلام رب العالمين. Il nous montre قصد هؤلاء. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qu'il y a dans leur cœur, aïe al-kuffar. وَيُخْبِرُنَا عَزَّ وَجَلْ بِقَوْلِهِ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ. Aïe ceux qui suivent leur passion. مِنَ الْكُفَّارِ وَمَنْ تَأَثَّرَ بِهِمْ. Qu'est-ce qu'ils veulent de cette femme? قَالَ عَزَّ وَجَلْ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. الْمَيْل c'est le fait de pencher vers eux, de délaisser as-sirat al-mustaqim. هذا الحجاب اللي ديرون لأن هذا الحجاب ça fait partie de دين الله الحق, ça fait partie de الصراط المستقيم. فهم يبغون que cette femme تميل, elle penche, elle délaisse, elle dévie. حتى ils en profitent. Donc cet appel à la liberté de ne plus porter le hijab, de ressembler aux hommes, d'être comme l'homme, ne plus avoir ses devoirs, ses obligations, wallahi c'est pas pour ton bien. أيتها المسلمة. Si tu lis le Coran et tu médites, Rabbuna Azza wa Jalla nous a montré qasd, l'intention de Ha'ula. Wa arhamur rahimin. Subhanahu wa ta'ala. Dans le même verset, Allah subhanahu wa ta'ala qal. On a cité que la fin. Si on récite le verset entièrement, qal Azza wa Jalla, wallahu yuridu an yatouba alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala yurid an yatouba alayna. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut du bien pour ses serviteurs, pour l'ibad. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on fasse tawbah. Il veut qu'on s'accroche au droit chemin. Il veut nous pardonner subhanahu wa ta'ala. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de faire des asbab. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, il veut notre bien. Il veut ton bien. Aïe, pour la femme. أما الأعداء فقال عز وجل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالحذر من كفران النعم. On doit faire attention. المرأة et l'homme de ne pas être ممن يكفر بنعم الله عز وجل. لأن والله surtout à cette époque المرأة qui s'accroche à son dîne elle fait نعمة عظيمة. C'est pour ça qu'elle est combattue de toutes parts, que ce soit pour le hijab ou autre. Enfin, en tant que muslim, et كذلك le muslima, on n'a pas le droit de tourner le dos et de délaisser tous ces bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. هذا الخير, que ce soit le Coran, que ce soit le sunnah, que ce soit l'ilm, que ce soit l'iman, que ce soit l'amal al-saliha, et pencher, se rapprocher des kafars. Pourquoi les kafars, ils veulent rien prendre de nous? Tout ce qui est apparent fait l'islam, que ce soit l'adhan, que ce soit l'id, que ce soit le hijab, toutes ces choses qui sont apparentes, que ce soit la salat dans la rue, ils le combattent. Pourquoi? Les annahum yuharibun l'islam. Hatta ils ont inventé une fikra khatira, al-almaniya. La laïcité. Hey, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux l'adorer, chez toi, et tu ne peux pas montrer. Tu ne l'adores pas en public. Hey, l'adoration pour eux, c'est dans la sphère privée. Ça contredit le dîn, c'est du kufr billahi azza wa jal. لأن الله عز وجل قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Notre vie entière c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. هؤلاء ils ont dit c'est que chez toi. Si tu fais apparaître, يحاربونك. Pourquoi nous on irait on irait les imiter, les suivre, leur demander. Ça, ça montre. Comment vouloir imiter, se rapprocher, suivre quelqu'un qui te déteste, qui déteste ton dîme, qui déteste ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui déteste le Coran, bel qui déteste Allah, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui veut bien comprendre hadhihi al-mas'ala, il se rappelle daiman an al-kafir, son amour et sa haine, c'est par rapport au din. Al-kafir, kayf hadha? Anna, si tu lui ressembles et tu ne fais pas d'effort dans ton din, ayyadun billah wa abdunnas, il délaisse complètement l'islam, fa al-kuffar, il le rapproche et il l'élève. Wa hadha, il n'est pas comme les autres, et hadha, il est intégré, il est akhiré. Ça montre à l'homme, ils l'ont aimé quand il a délaissé al-din. Si, et ça arrive, hadha, ça arrive à beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, anna, ba'dhum, ils se sont convertis, ils ont fait des efforts, ils ont changé en apparence et dans la croyance et dans leur mode de vie, ils ont été écartés. Pourquoi? Alors que c'est la même personne. Limada, li'anna, il a fait apparaître din Allah azza wa jalla. Leur amour et leur haine, c'est par rapport au din. Nahnu hubbuna wa burduna, ça doit être par rapport à din Allah al-haq. Hum, c'est par rapport à leur passion, ils détestent din. Nahnu, c'est par rapport au din. Celui qui fait apparaître l'islam, c'est un mu'min, il fait des efforts, on l'aime. Amma al-kafir, on le déteste fillahi azza wa jal. Min babi awla annahu, on va lui ressembler ila akhir. Qala Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala, wa lidhalik harasa ala an takhruj min baytiha litusharik aw harasu wa lidhalik harasu ala an takhruj min baytiha litusharik ar-rijal fi a'malihim janban ila janb aw litakhdim ar-rijal mumarridatan fil mustashfa ila akhir. Cheikh Fawzan y montre Ayana al-Kabara, leur but, c'est que cette femme, elle s'écarte du droit chemin, elle s'égare, elle délaisse son din, hatta ils profitent. Falihada, ils ont ouvert les portes, ils ont appelé à l'égalité dans le travail ou autre. Hatta la femme, elle se mélange, et al-Khubatha, ils ont accès, ils se rapprochent de cette femme. Hada, c'est qasd al-Kafirin, de faire sortir cette femme. Min baytiha. Amma l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an qala wa qarna fi buyutikunna. Wa qarna fi buyutikunna. Ay restez dans vos foyers, dans vos demeures. C'est ça la place de la femme en islam. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit de sortir. Abadan. Là. Lakin ça montre en l'asl, c'est que la femme elle reste chez elle. Et si elle doit sortir, ça c'est pas haram, lakin avec des dawabit. Des règles. Un comportement. Annaha, elle sort et elle est mutahaddiba, hijab shar'i, et elle s'écarte du haram. Aïe, le parfum, lever la voix, se mélanger. Tout ça, c'est pour préserver cette femme. Amma ha'oula, qui appelle à la liberté. Ils font croire à cette femme, annaha, elle est madlouma si elle reste chez elle. Et si elle sort avec le hijab, c'est du zulm. Pourquoi? Hatta cette femme, elle sort, il a hijab, et elle se mélange, et ils en profitent à l'khubatha. Comme l'an, comme il propage dans l'actualité, combien de femmes l'an, min al-kafirat, on ne parle pas min al-muslimat, min al-kafirat, elles se plaignent. Annahum, elles sont agressées au travail. Tel homme, il leur a dit telle parole. Wahakada, c'est propagé. L'an, chaque jour, fil akhbar, tu entends une qissa. Et hada, c'est les personnes connues, amma la masse des gens, enfin, Allahu a'lam. Enfin, est-ce qu'ils ont préservé cette femme? Abadan. Abadan, ha'oula, ils font partie de Ahl al-Shahawat. Al-Kafir, il n'a aucun principe. Wallahi, Al-Kafir, son but, c'est ses poches et son ventre. La ghayr. Enfin, comment hada, il va donner le haq à une femme, à des femmes? Il va donner le haq à la femme. Hada, c'est vrai. Ma hada, tu trouves à de souvaha, yusaddiqoun ha'oula. Wa ta'ammali. Et on conclut, bi hada, la femme. Al-Muslima, si elle médite sur hadha al-hadith, fa bi'idhnillahi azza wa jalla, ça va lui être profitable. Dans ce point, qala sallallahu alayhi wa sallam, sinfan min an-nar lam arahuma. Deux catégories min ahli an-nar, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam à son époque les avait pas encore vus. Ils étaient pas apparus à son époque. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la deuxième catégorie. Qala sallallahu alayhi wa sallam, Nisa'un kasiyat, ariyat, mumilat, ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukht al-ma'ila. Cette catégorie, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé annahum, ils sont finnar. C'est qui ha'oula? Nisa'un kasiyat, ariyat. Des femmes qui sont vêtues, kasiyat et ariyat. Et fil haqiqa, elles sont des vêtues. بعض العلماء يدمونتر أن المد دي فيتمون سيري مولان بعض العلماء يزون يسلوكي أن سي دي فيتمون كور كي بروتيج با تو لو كور سا انغلوب تو سا في الحقيقة صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات هذه الأوصاف أي سي اون فام كي بورت با الحجاب الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم يمونتر الآن لو شاتيمون Et que cette catégorie, c'est min ahlin nar. Bel fil hadith, si on lit la fin, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم, il a démontré que هؤلاء, elles rentreront pas في الجنة et elles sentiront pas l'odeur de الجنة, alors que l'odeur de الجنة, tu peux la sentir de telle distance. هذه المرأة الآن, si elle médite sur ce hadith, c'est quoi qui est le plus profitable pour elle? Yawm al-qiyama. Est-ce que cette liberté, هذه الحرية المزعومة تنفع أو ستنفع أمام هذا الوعيد الشديد? Est-ce que cette liberté, ces soi-disant droits, ça va être utile pour cette femme, yawm al-qiyama? Ça va être d'aucune utilité. Ce qui sera utile pour la femme, c'est pas... Ce qui sera utile, yawm al-qiyama, pour la femme muslima, c'est al-hishma. C'est al-hijab. C'est la salat à son heure. C'est ta'at al-zawj. Obéir à son mari, obéir à ses parents. Faire des efforts fil ilm, fi al-amal. Amma, toute cette da'wa al-an, c'est pour égarer al-muslimat et l'il-asaf. Umma min al-nisa. Et beaucoup de femmes, elles ont suivi hadha al-fikr. Fala hijab, wala hishma. ولا طاعة لزوج ولا لأب ولا لأخ لا توسا الآن عندهم حرية جيمي دغوا جسو باين اسكلاف إلى آخر فاحمد الله على نعمة الإسلام ولا تغتر بأفكار أعداء الله الحرية والمساواة وسسوا ديزان حقوق والله سيبا بورتون بيان بل توسا سا إكارت هذه المرأة من دينها قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أين الحرية cette soi-disant liberté عندهم total أن la femme elle fait ce qu'elle veut là l'homme il fait pas ce qu'il veut et la femme elle fait pas ce qu'il veut chacun il a des droits chacun il a des devoirs Et nous, en tant que musulmans, on a la conviction, on sera ressuscité, nos œuvres, elles sont inscrites, et on rendra des comptes. Qu'est-ce qu'il veut dire, on fait ce qu'on veut? Là, هذا عند الكفار نعم يديز هذا لأنهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا باليوم الآخر. Mais nous, en tant que musulmans, on doit faire attention. هؤلاء, en fait, ils sont égarés, sinon, à l'âge de l'âge, ils sont dans le nar. Mais nous, on est des musulmans. فلا ينبغي نتأثر بهذا المرأة لها منزلة عظيمة في الإسلام على دي دروا على دي دوفوا قال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أي بيرسون parmi المؤمنون que ce soit homme ou femme إذا قضى الله ورسوله أمرا si Allah سبحانه وتعالى il a ordonné une chose كذلك son messager قال الله عز وجل أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ils ont pas le choix Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à l'homme de faire salat, il n'a pas le choix. On n'a pas le droit de dire on est libre. Là, cette liberté ne servira à rien fin nar. Cette liberté ne servira à rien yom al-qiyam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à la femme de porter le hijab, de ne pas se mélanger aux hommes. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء إياكم un avertissement. Et ne rentrez pas dans un endroit où il y a des femmes. C'est un délil qui prouve l'interdiction de la mixité. Il y a comme un droit à la nisa, ou dans un endroit où la femme, elle n'est pas couverte. Ah, d'ailleurs, il y a juste. Surtout ça avec des détails qu'on ne détaillera pas. هنا. على كل حال, أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك, les versets du hijab, ils sont connus. Enfin, est-ce qu'une femme, après tout ça, a le droit de dire « Je suis libre » Là, ça sera d'aucune utilité. Wallahi, c'est min, min harb al-shaytan ala hadhi al-mar'a. Elle se croit libre fi qabriha. On commence par la première étape. Dans la tombe, est-ce qu'elle va être libre? Abatan. Qui sait qui va la sortir min tilka al-hufra? Qui sait qui va pouvoir empêcher les deux anges de lui poser des questions, de la châtier si elle mérite? Thumma yawm al-qiyama, elle sera ressuscitée, interrogée si cette femme, elle n'était pas muslima et elle va en enfer. Qu'est-ce que ça va changer cette liberté? Billahi alaykum. Wallahu al-musta'an. Wa rahimallahu al-imam ibn al-qayyim idh qala fi nuniyatih, dans al-nuniyah, sa célèbre poésie, قال رحمة الله عليه هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان شيخ العثيمين رحمة الله عليه قال هذا البيت أي سوفر دو بويزي لو كتب بماء الذهب لكان رخيصا si سوفر دو بويزي on l'aurait inscrit on l'aurait écrit en or ça serait pas assez أي سوفر دو بويزي il est عظيم هربوا من الرق الذي خلقوا له أي بعض الناس ils se sont écartés من الرق الرق ça veut dire être un esclave se soumettre فبعض الناس ils se sont écartés من الرق الذي خلقوا له أي الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ف tous les êtres humains hommes femmes c'est des عباد لله عز وجل فبعض الناس ils se sauvent من هذه العبودية ils prétendent être libres ne pas se soumettre. Un homme, ils font ce qu'ils veulent. فَبُلُوا بِرِقِ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ Ils ont été éprouvés. Un homme, c'est devenu des esclaves de leur nefs et de shaytan. تَسْتَفِيدُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْإِنسَانَ لَابُدْ أَنْ يَسْتَسْلِمْ إِمَّا يَسْتَسْلِمْ لِلَّهِ Et s'il se soumet par Allah subhanahu wa ta'ala, il sera esclave de ses passions, de shaytan et des ennemis d'Allah, عز وجل. هذه المرأة الآن qui appelle à la liberté, qui ne connaît pas قدر الإسلام et la place que l'Islam il a donné à cette femme, elle prétend la liberté. Et بعض النساء الآن elles se sont découvertes ou elles se mélangent aux hommes ou elles ont une certaine responsabilité et elles pensent أنها خلاص elle est libérée. صدق شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فبولو ورق النفس والشيطان. C'est devenu une esclave de شيطان. Et de ses patients. Et yawm al-qiyama, tout cela, ça sera d'aucune utilité. L'islam akram al-mar'a, en tant que fille, en tant que femme, en tant que mère, akramaha fi dunya, bil hijab, c'est une ni'ma azima pour la femme. Kadalik akramaha bi ta'ati zawjiha wa bi ta'ati rabbiha qabla dhalik wa bi nabiyiha sallallahu alayhi wa sallam. Et kadalik l'islam a'taha huquqaha. Elle a des hukouk si elle divorce. Elle a des droits. Elle a des hukouk si son père y meurt et il a délaissé de l'argent. Elle a un haq sur l'héritage. Même si c'est une femme. Elle a des hukouk fi kathir min al-umur. Elle a des hukouk fi maliha si elle a de l'argent. C'est son argent. Personne n'a le droit de lui prendre. Même si elle est mariée, c'est son mal. Elle a des hukouk azim. Elle a délaissé tout ça pour suivre a'da'ullah min yahoud wa nasara. C'est pas... C'est pas mina tawfiq Allah azza wa jal. Wa abshiri bil fawz wal falah ayyatuha al muslima. Ay réjouis-toi si tu fais des efforts dans ton din, si tu patientes, si tu aimes hada al hijab, si tu aimes sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, si tu détestes al kuffar et toutes ces pensées l'an, la démocratie, la laïcité, la liberté, hada al kadhib kullu, fa réjouis-toi. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها si la femme elle fait ses 5 salawat à l'heure إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها et elle jeûne le mois de Ramadan وحفظت فرجها كذلك elle se préserve elle s'écarte de الزنا عياذا بالله وأطاعت زوجها et elle obéit à son mari قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت يوم القيامة il sera dit à cette femme qui a patienté في الدنيا et في الحقيقة elle a patienté elle a vécu une vie طيبة في الدنيا لكن elle a fait certains sacrifices et elle s'est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة il lui sera dit rentre par la porte de الجنة que tu veux c'est elle qui choisira الجنة il y a plusieurs portes c'est ça le fawz al-azim Si elle rentre dans le Jannah, elle aura tout ce qu'elle veut. Et c'est ça la vraie vie, l'éternité. Dans lequel on vit, tout ça c'est pour combattre هذه المرأة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا من كيد أعداء الله سبحانه وتعالى ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.